Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Cette semaine, un selfie un peu spécial et on teste le Kick Light et le Lumou. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 63. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut Stéphane. Et François Blanchet. Oh oui, 63. 63 fois bonjour. Comment et... c'est vieux. Ouais. Qui aurait dit qu'on se rendrait quand même, hein? 63 épisodes en 2 ans et presque et demi, hein, finalement. Mm. Le temps passe vite en bonne compagnie. Mais oui. Oh, je parle de vous, messieurs, évidemment. Ah. Et de vous, chers auditeurs. Messieurs, comme à l'habitude, on va passer au petit segment « Qu'avez-vous fait côté photo récemment? » Et Christian, à toi l'honneur d'ouvrir le bal. Moi, regarde, je demeure toujours aussi original. Encore été voir un autre spectacle, encore pris des photos. Mais oui, mais c'est pas un spectacle comme d'habitude. Non. Je sais pas si vous avez entendu parler de la marche des dinosaures. Mm-hmm. J'ai pris quelques photos. Je dois dire que c'est assez impressionnant, sincèrement. Là, Le T-Rex, là, à la fin, qui le garde, là, c'est quelque chose. Il bouge quand même assez bien. Puis ce qui m'a le plus impressionné, je te dirais, c'est... Au début, tu sais, nous autres, on se disait, bon, ça va être genre un robot avec une petite toile par-dessus. Tu sais, ça va bouger pas pire. Une espèce d'animatronique. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça devrait bouger pas si pire. C'est sûr qu'ils sont un peu limités là, dans le mouvement, tout ça, mais c'est le détail... qu'ils ont mis sur la peau, sur le... On dirait que ça a l'air vrai, là. La peau, oui. Là, c'est incroyable, là. Pour avoir vu une reproduction qu'il y a d'un T-Rex, c'est au musée de... Sciences naturelles? Ouais, à Ottawa. Ouais. Il y en a un. Puis la peau, là, elle me donnait exactement le même effet, là. Okay. C'était vraiment impressionnant, là. J'avoue que, tu sais, le côté visuel, là, c'est très, très, très réussi. Fait que non, c'est ça. Puis bon, évidemment, bon, c'est dans une aréna, fait que c'est sûr que là, ben, c'est tout en basse luminosité, mais mm-hmm. je réussis quand même des clichés pas trop mal. Là. Disons que je suis quand même satisfait. Avec ton Sony Ericsson, mm-hmm. oui. Oui, ben j'ai failli amener mon autre, mais encore une fois, je vous l'ai dit l'autre fois, mon ISO est moins bon avec mon 7D que mon Ericsson. La seule chose, par contre, c'est que vu qu'il y en a un que c'est un DSLR, puis l'autre, c'est un plus petit capteur. Un peu moins de détails. Mm-hmm. Un petit peu moins. On s'entend que c'est pas... Ça revient au même argument que si on zoome à 100%, on va moins de détails, là, mais... Si tu les imprimais en 10 par 15 centimètres, oui, là, c'est sûr. Tu peux être sûr que j'imprime à rien. C'est que ça n'a aucune importance. Puis, ben, c'est ça. Puis j'ai pris... je me suis encore amusé aussi un petit peu avec ma 85 mm, là, où ce que... il y avait une course à des enfants puis des amis, tout ça. Puis j'ai pris quelques photos... Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait. Je suis bien content. Là, tout ce qui reste, c'est à changer l'appareil en tant que tel là, pour avoir encore une petite affaire de plus. Là. Mais pas de... Non, ça s'en vient, là, cette 7D Mark II. Hein. Non. Non, ça va être un plein capteur. Ça va être un plein capteur. Mais la seule chose que je me pose comme question, c'est 6D ou 5D? Parce que je vais garder ma 7D. Moi, je garde ma 7D, c'est clair. Oui, ça va être ton boîtier de backup, là, de sécurité, mais c'est ça le problème, je trouve. Du côté de Canon, il n'y a pas un grand choix, un grand éventail côté plein capteur. Tu as le 6D qui est bas de gamme, façon de parler, mais il est loin d'être proche du 5D. Pas tant que ça. Je suis allé voir les critiques, j'ai regardé les photos, tout ça, c'est pas mal, sincèrement. Oui, ben, en tout cas... que j'avais vu comme premières impressions, parce que je n'ai pas regardé récemment. Non. Les premières impressions laissaient les gens plutôt froids là, après avoir essayé le 6D. Mais il y a l'ami Steve Lévesque qui en a un et qui semble entièrement satisfait. Il tourne la vidéo avec aussi. C'est ça, exactement. Peu, mais... la seule chose, c'est les points d'autofocus qui est un petit peu en retard là-dessus. Ça, c'est une affaire qui me bug un peu. Moi, j'en utilise quand même pas mal. Je sais pas, mais en tout cas, de toute façon, ce ne sera pas avant l'année prochaine, fait qu'on n'est pas pressé. Non, puis je préfère attendre les annonces. Je serais pas surpris qu'il y ait un nouveau 6D d'ici 6 mois, un an. Possiblement. Et puis sinon, ben, c'est ça, il y a le 5D Mark III, puis il y a le 1DX, mais là, on s'entend que c'est... J'ai pas 10 000 piastres. Côté budget, ouais. C'est ça. Puis... Non, ben, en tout cas, je sais pas, on va voir, là, je sais que... J'en parlais avec quelqu'un récemment, encore une fois, puis il faut que Canon annonce de quoi, parce qu'ils sont vraiment à la traîne. Là, on voit le D750, le D610. Le 810. Le 810. Ouais. Ça bouge ouais. Beaucoup. Là, fait que... En tout cas, on verra. Je suis pas prêt à tout vendre mon équipement, mais il non, faut... Mais... Ah, regarde, ça commence à faire son chemin, sincèrement. Ouais. Tranquillement, parce que, regarde... Oui, mais c'est raisonnable. Ça fait pas loin de 5 ans, je pense, que tu as ton appareil. Oui. Ben ouais, Stéphane, il attend pas 5 ans. Ah non, moi... D'habitude, c'est en mois, lui. Entre 12 et 18 mois. En semaine. En semaine. Exagérez pas, quand même. Mais bon. François, toi, de ton côté photo... Après un petit voyage à New York, j'ai regardé les photos que j'ai prises. Puis, je suis tombé sur une photo que j'ai prise avec mon téléphone intelligent. Et puis, attends, c'est... T'as pris ça avec ton téléphone? Oui. Écoutez, c'est ça qui est merveilleux des fois. Wow. Je suis en direction du Memorial 9-11 à New York. On s'en va passer l'après-midi à regarder ça. Puis, en passant, je vois des buildings qui sont super bien placés et tout. Puis, je regarde... Si on regarde la photo, on voit le Liberty Tower qui est en haut à gauche. Mm-hmm. Et puis, l'autre immeuble inconnu, mais qui est vraiment juste à côté du Memorial. Et puis, oui, je l'ai pris avec mon téléphone et sans aucune retouche. Il y a des situations, des fois, de lumière, d'ambiance qui ressortent. J'ai pris ça avec mon Galaxy S3. Qui n'est même pas connu pour être un appareil hallucinant ou rien de ça. Ben, c'est un appareil correct. Non, mais tu sais, c'est juste pour dire que le résultat est surprenant. Oh, c'est pas quelque chose que tu t'attends de ça. Là. Non, tout est dans la perspective. Mais là, il a l'air d'avoir un effet de moirie là, au milieu. C'est mais ça, moi, je n'ai pas ça. Non, ça fait beau. C'est très joli. Ouais. Il est comme tout au milieu, on dirait une étoile. Non, c'est, mais attends, c'est vraiment cool. Ça change dépendamment du zoom que tu mets d'affichage, parce que c'est une question de résolution. C'est que le capteur... C'est ça. Le capteur c'est génial. Oui, le capteur n'est pas capable de... d'aligner les lignes sont trop minces. Donc, c'est ça. Cool. Dépendamment de quelle résolution que tu regardes la photo, ton effet de moiré va changer. Mais oui. Toujours est-il que c'est juste pour dire qu'il manque de résolution dans la photo pour pouvoir afficher des lignes bien droites. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ça, c'est la photo que j'ai prise. Puis pas quand grave, j'ai regardé mes photos, cool. Ouais, ils sont quasiment plus belles que les photos que j'ai prises avec mon boîtier. Fait que, c'est ça. Parfait. Ben merci. Moi, de mon côté, je suis allé au parc Safari. À Hemingford, tout près de la frontière américaine. Et j'ai apporté mon X6 parce que je me doutais que j'aurais besoin d'un zoom et j'avais pas reçu encore mon super 70-200 pour mon Sony A7. Donc, j'ai apporté mon X6. Avec le X6, j'ai un objectif 18-200 Tamron. Puis comme on allait être dehors, c'est pas grave, l'ouverture maximale. Donc, j'en ai profité. Et je suis content d'avoir pris cet appareil et cet objectif-là plutôt que mon Sony A7 avec un zoom parce que j'aurais eu besoin de changer d'objectif constamment. Les animaux étaient loin au départ, s'approchaient des voitures. T'aurais amené les deux. C'est ça, il aurait fallu que j'apporte les deux. Mais encore là, alterner d'un appareil à l'autre. Après, c'est importer deux kits de photos, les remettre dans l'ordre. Non, vraiment, j'étais bien content. Puis, maintenant que j'ai quand même une certaine expérience avec Lightroom, j'ai pu les retravailler un peu comme je voulais. J'en ai sorti une quarantaine sur Flickr. Puis, j'ai pas mis les photos familiales. Là. J'en ai peut-être une vingtaine de plus, là, disons. Mais j'ai mis que les photos d'animaux ou de manège. Puis, je suis quand même très satisfait. T'as raison. Pour, ils sont le très belles. Ben, merci. Je pensais pas que tu les avais ouvert l'album. Oui. Non. Je n'ai pas tendance à... Si je clique « like », c'est parce que j'ai vraiment aimé. Ah bon, merci. J'ai pris une photo en pensant à François, la photo de l'éléphant cadré très serré. Là. Je l'ai vu. Superbe. Ça m'a rappelé une photo. Oui, une certaine photo d'éléphant. Mais toi, il était en Afrique, cet éléphant-là, quand tu l'as photographié. Oui, chanceux. C'est pas exactement la même chose. Mais non. Puis, j'ai une mouette sauvage aussi sur l'asphalte ici. Ouais, j'aime ça. Sauvage, j'ai pris cette expression-là il y a quand je suis allé au parc safari, je disais « Hey, les enfants, regardez une mouette sauvage! Ouais, » dans son élément, dans son sur élément. L'asphalte, souvent derrière un McDonald's. Est-ce que tes enfants ont fait comme les miens? Ils t'ont-tu regardé avec un air exaspéré quand tu leur as oui, dit ça? Oui, ma fille, oui. Elle a presque 11 ans. Là, donc, oh my God, ouais, oui, c'est okay, ça. Oui. Ça lui en prend pas gros depuis quelques temps. Donc, mais c'est ça, j'étais très satisfait puis très heureux d'avoir cet objectif-là avec la focale tellement flexible. Parce que justement, j'avais une espèce de yak qui est arrivé sur le bord de la fenêtre. Et là, je devais être à 18-20 mm. Ouais, très cool. Ouais, donc, non, j'ai quand même satisfait de mes photos. Et je vais mettre évidemment le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Côté nouvelle, parlant d'animaux, Christian, t'as une petite nouvelle sur une photo animalière un peu spéciale. Oui, ben si vous êtes le moindrement intéressé par la photo ou suivez des sites de photos, ça se peut pas que vous l'avez pas vu passer. Là, je l'ai vu plein de fois, moi, en tout cas, personnellement. Avez-vous entendu parler du fameux selfie pris par un singe? Oui. Hein? Ben, je l'ai vu comme toi passer, puis je me suis dit, bon... Qu'est-ce que c'est qu'encore cette nouvelle niaiserie-là? Surtout, ça a l'air un peu trop... Est-ce une tempête dans un verre d'eau? Ben... Moi, je trouve que ça a l'air organisé. Ça se peut. Regarde, c'est sûr que... En tout cas, bref, ce que c'est que la personne prenait des photos d'un singe, puis le singe est allé mettre la photo, la main sur l'appareil photo et aurait pris sa photo. Donc, aurait appuyé sur le déclencheur. C'est ça. Donc, ça serait un selfie. Puis là, le photographe, ce qu'il disait, c'est que ben, dans le fond, c'est pas la photo du photographe, mais c'est la photo du singe. Mais en fait, le photographe, lui, disait ben, « ça a été pris avec mon équipement. Mais un animal ne peut pas avoir de droit d'auteur, donc la photo m'appartient puisque l'équipement est à moi. » Ouais. Mais là, il s'est fait dire « non, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » C'est ça. Fait que le selfie, ben c'est le selfie du singe. Fait que c'est une photo qui va être dans le domaine public, qui n'a pas de droit d'auteur dessus. Parce qu'elle est impossible à copyrighter. Exact. Mais c'est quand même... En tout cas... Moi, honnêtement, j'aurais réglé le problème plus vite que ça. Je l'aurais effacé, puis c'est tout. C'est comme... Oui, ou... C'est comme... Tu peux t'en vanter à ta famille ou tes amis, ouais. Dire, hey, « regarde, c'est le singe qui a pris la photo. » Mais sur les réseaux sociaux ou peu importe, tu dis, « Ben, c'est moi qui ai pris cette photo-là. Regardez, c'est... » Je sais pas. On s'en fouette, honnêtement, qui c'est qui a pris la photo, là, sincèrement. Oui, mais le type s'est tiré une balle dans le pied en disant, « Regardez, c'est le singe qui l'a fait. » Hey, je sais pas. Maintenant, il peut pas la vendre, il peut pas rien faire avec. Ben, y aurait-tu vraiment quelqu'un qui a racheté ça? Je veux dire, c'est pas... Je crois pas, mais... La photo est correcte, mais elle est pas particulièrement impressionnante ou rien de ça. Tu sais, je sais pas. Enfin. Ça a fait couler beaucoup d'encre numérique. Ouais, mais ça prouve quand même, par contre, une chose, c'est que les droits d'auteur sont quand même pas clairs, nets et précis. Non. C'est d'ailleurs, un petit peu vague. Oui, et d'ailleurs, dans un podcast américain que j'écoutais, il y a une personne qui disait même, généralement, à moins d'avoir une entente commerciale quelconque, si une photo est prise dans un autre pays, techniquement, est-ce que le droit d'auteur de ce pays-là s'applique? Est-ce que... Ça serait la logique. Tu sais, donc, il y a un gros flou juridique là-dessus, là, ce niveau-là. Donc, enfin... Peut-être que le type est chanceux que ça se retrouve dans le domaine public parce que sinon, ce serait le droit d'auteur du pays dans lequel il se trouvait au moment où le singe a pris la photo. Seigneur. Donc, non, mais ça peut être tout un casse-tête. Tout à fait. Si la photo est importante à tes yeux, là, on parle d'une photo, d'un selfie d'un singe, mais s'il arrive quoi que ce soit, supposons qu'un singe appuie sur le déclencheur pour photographier autre chose, un événement important ou quelque chose. Non, mais c'est vrai. Oh, oui. C'est le genre de question... qu'il faut se poser avant que ça arrive. Non, mais qu'on se doit de se poser avant que ça arrive, parce que si ça arrive, ben... Finalement, ça veut dire restez pas proche des singes. C'est ça. Ne confiez pas votre appareil à un singe. Parfait. Bon, ben, merci, Christian. Toi, de ton côté, François, c'est une nouvelle... Ben oui, Sony, qui a décidé de mettre sur le marché un appareil photo en forme de bouteille de parfum. Oh! Non, mais c'est ça, et quoi, le capteur à la forme du vaporisateur? Oui, ben c'est dit que l'objectif, plutôt. Ben, hein. Je vous en parle un peu. Sony, qui est vraiment en feu avec son département photographique, là, je l'ai déjà mentionné, ils se permettent vraiment quelque chose de... Comment dirais-je? très esthétique. Ils viennent de lancer une caméra ultra chic pour selfie. Là. Vraiment, c'est vraiment visé pour ça, je dirais. La KW1. Non seulement son design, c'est de ressembler à une bouteille de parfum, mais elle est vraiment parée de fonctions permettant à son utilisateur de mieux paraître dans les photos. Ça, je vais vous expliquer un peu exactement en quoi ça consiste. Donc, messieurs, côté technique, je vais vous parler de ça. Une tête à 180 degrés, le Wi-Fi, 19,2 mégapixels, une ouverture f2 à 21 mm, puce NFC, écran 3,3 pouces OLED. Tactile, je ne suis pas sûr. J'ai pas vu ça. OLED touchscreen. Excellent. Maintenant, mesdames, et puis là, attendez, je veux juste vous dire tout de suite, là je veux pas... Attention, si on se fie à la pub, on doit porter des oreilles de la pas de lapin. Ouais, mais ça, c'est une des photos de promo. Donc, mesdames, puis là, c'est aucunement sexiste ce que je veux dire. Il y a vraiment des femmes que la coquetterie leur va super bien. Donc, c'est à vous que je m'adresse et non à une femme qui, elle, c'est un appareil photo normal qui l'intéresse. Je pense qu'il y a d'autres raisons aussi pourquoi que ça ne l'intéressera pas, mais continue quand même. Je n'ai vu une très bonne raison moi, pourquoi que ça n'intéressera pas personne, mais continue pareil. Donc, le côté esthétique de la chose, c'est le look bouteille de parfum. L'objectif est dans le bouchon qui est transparent, comme une bouteille de parfum, comme la plupart, en fait. Ça se décline en quatre couleurs, blanc, rose, mauve ou vert. Donc, encore une fois, des couleurs très féminines. Il y a un flash LED avec des cristaux Swarovski autour de l'objectif. Ah, mon Dieu! Donc, c'est super bling-bling comme appareil. Un peu, oui. Le côté coquet. OK, de ça, il y a des fonctions très selfie. Oui, très coquet. Des fonctions très selfie, OK, je vais vous dire. Il y a un retardateur avec un décompte, OK, visuel qu'on peut voir. Il y a des fonctions de retouche, OK, une fois que la photo est prise. Et je vous les nomme. Ça, je n'ai pas encore vu ça, là. Élargir les yeux, changer le ton de la peau, adoucir la peau, atténuer les peaux reluisantes, tu sais, un petit peu trop gloss, là. Puis, il y a même une fonction facelift. Donc, je vous jure... Mais, vous riez, c'est là, très Hollywood, là, ça, de plus en plus, il y a des fonctions pour le lissage de la peau. Je suis en train de tester le téléphone LG G3 et l'appareil photo offre un truc à glissoir pour régler si on veut avoir vraiment une peau plus lisse ou une peau plus naturelle avec les défauts que ça comporte, là. Ouais. Mais... c'est vraiment la mode maintenant, je crois, où ça va lancer la mode parce que de plus en plus d'appareils permettent, ou sur les téléphones en tout cas en ce moment, permettent un lissage de la peau à même l'appareil. Bon ben, tu vois, dans le cas de notre appareil ici que je vous parle, lui, il y a déjà tout ce qu'il faut. Ouais, il y en a beaucoup. C'est très glamour. C'est très, très glamour. Comme la beauté a un prix, on dit que l'appareil est à 845 $ US. Quand on regarde le côté technique, ce qui nous intéresse pas mal plus, nous autres, c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable. Au contraire, c'est assez cher. Mais pour le côté bling-bling de la chose, si vous aimez ça, faire du tapis rouge, ou vous aimez ça, d'aller dans les événements, flasher un petit peu, vous allez vraiment vous faire remarquer avec ce truc-là, c'est certain. C'est ou clair. Pas remarquer, parce que ça passe vraiment pour une bouteille de parfum. Non, mais c'est 150 $ pour ça. Ouais. Mais en fait... ouais. Ça va être lancé en Chine à la fin de septembre, exactement. À la fin du mois. Fin septembre pour la Chine. On ne sait pas encore pour les autres pays à quel moment que ça va être lancé, mais on sait que l'équivalent en dollars US, c'est de 845 $. On ne sait pas à quel moment dans les autres pays la coquetterie va atteindre le niveau de... On pourrait gager que ça ne sera pas trop long. Si le succès est bon en Chine, on peut s'attendre à voir ça rapidement quand même en Amérique du Nord et en Europe. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est spécial. Mettons, on va garder ça poliment. Et vous l'aurez entendu à Objectif numérique. Bien sûr. Oui. On ne peut pas dire qu'on n'essaie pas de faire plaisir à toute notre audience. On fait même dans la coquetterie. Okay. Merci, François. Quand tu dis ça, tu es assez coquet. Oui. Oui, quand même. Hein? C'est... ouais. Une chose que c'est pas un podcast vidéo parce que je ne me suis pas rasé ce matin. De mon côté, moi, je vais vous parler d'astrophotographie. J'en parlais au dernier épisode. Et l'astrophotographie a fait pas mal de chemin en, quoi, un siècle et quart à peu près. Si on regarde la toute première photo de la nébuleuse d'Orion prise par Henry Draper en 1880. Écoute, quand même, je regarde la photo puis et je suis pas capable de faire ça aujourd'hui. Là. Et ben, ça a été pris avec un télescope 11 pouces, exposition de 50 minutes. Mais si on la compare avec une photo prise aujourd'hui, avec un télescope 8 pouces, une exposition d'une seconde avec un iPhone, on obtient un meilleur résultat, imaginez-vous. Impressionnant. C'est vraiment, là, ça veut dire que la photographie, hein, pas seulement l'astrophotographie, mais la photographie a fait un chemin incroyable. Mm-hmm. Mais là, c'est pas correct de me montrer ça, là. Parce que là, j'ai le goût de sortir mon télescope. Ben, il est brisé, tu disais. Ben, je pense que c'est, en fait, c'est parce que t'as des espèces de lentilles, justement, mm-hmm. là-dessus. Puis j'ai l'impression que c'est une de ceux-là qui est brisée. Moi, c'est pas le télescope en tant que tel qui est brisé. Okay. Puis c'est ce qui est en courbe, là, en angle, puis c'est avec lequel tu regardes dedans. Exact, avec okay. le miroir. Je pense que c'est ça qui est déréglé ou qui est brisé. Parce que si je regarde dedans, je vois quand même au travers. OK. Fait que ça serait à vérifier. Là, ça me tente de ressortir ça, là. Mmh. Bon, ben, tu pourras même répondre à Steve Lévesque un coup que tu auras expérimenté avec ton télescope. On va y penser. Ouais, ouais. Mais sinon, ben, d'ici quoi? J'allais dire un an ou deux, mais vous me connaissez. D'ici 3 ou 4 mois... Je vais me procurer un télescope. Non, c'est pas vrai. Moi? Pour Noël. Moi? Non, non. Enfin, mais c'est ça, je vais mettre le lien. Vous irez voir les photos pour comparer. Et c'est assez impressionnant. Ben, juste à penser que l'autre, c'était 50 minutes, puis que t'as pas de détails. Puis toi, c'est une seconde, puis t'as... Puis il y a plus de détails. Là, c'est comme beaucoup moins d'éblouissement là, au niveau de la lumière. Mais et en même temps, en plus de 100 ans de différence, là, c'est ça? Oh, ouais. C'est pas si... Oui, mais là, on parle... C'est correct, là. Oui, mais on parle d'un appareil photo qui était quand même probablement beaucoup plus volumineux, plus Moi, ça massif. M'impressionne beaucoup plus que ça s'est fait en 1800, quoi, tu dis? Ouais, 1880. Ouais. En 1880, ça m'impressionne encore plus. Et d'ailleurs, probablement que la photo est un peu surexposée parce que 50 minutes, c'était trop long. Ouais. Donc, peut-être qu'en le faisant 30 minutes, il aurait obtenu une qualité similaire, mais de toute façon... C'est dommage qu'il n'y avait pas de podcast dans ce temps-là. Ben, oui et non. Il l'aurait su en fait, nous écoutant. Ça lui aurait seulement pris l'exposition live dans son écran numérique derrière son appareil. Ce qu'il appelle le live bulb, en fait. Ouais. Donc, tu as le mode bulb maintenant que sur les appareils hybrides et les appareils numériques généralement là, qui n'ont pas un viseur optique. Tu peux voir ton exposition progresser à mesure en mode bulb. Donc, que tu dépasses 30 secondes. Tu sais qu'à arrêter. Tu sais exactement à quel moment arrêter. Imaginez. Okay. Là, Christian, je viens de te donner un deuxième argument. Mais en fait, un argument pour passer aux hybrides et un argument pour sortir ton télescope. Mais tu sais, avec un petit Fuji ou quelque chose, là, quand tu pourras tester... Regarde le petit X-T1, là, il est toujours resté... Mais c'est drôle parce que, parlant de Fuji... C'est un roi des transitions, Stéphane. On l'a-tu déjà dit, écoute, franchement? Là? Je m'en viens aussi bon que Denis Talbot, je pense. Oh, ça c'est... Ouais. Non, non, mais blague à part, parlant de Fuji, il y a Fujifilm qui annonce, après plusieurs rumeurs et même des fuites, il y a le fameux X30, donc successeur du X20, qui a été annoncé et qui devrait contenir le Wi-Fi intégré. Un viseur électronique, un meilleur écran, une meilleure batterie, donc une meilleure autonomie, et beaucoup plus encore. Donc, on parle d'un capteur toujours de 12 mégapixels. C'est le même. Oui, c'est ça, X-Trans 2, et d'un objectif 28-112 mm, avec une ouverture de f2 à f2.8, donc ce qui est très bien. Mm-hmm. Et quand je dis 28 à 112 mm, évidemment, c'est l'équivalent en 35 mm. Donc, c'est ça. Côté écran, là, les améliorations, on parle de 920 000 points, donc c'est très potable. À partir de... Dès que vous avez un écran, là, 920 000 points ou 1 million, parfait. Là, c'est pas parfait. Plus que ça. En dessous de ça, là, souvent les 460 000 ou quelque chose comme ça, ça, c'est un peu bas, si on veut, à moins que ça vous importe peu. Là, mais généralement, si vous aimez... Comment on appelle ça en anglais? C'est « chimping », faire... Est-ce qu'il y a un terme francophone pour ça? Singer, mais singer, non. Zieuté. En fait, singer, c'est un terme culinaire aussi. Ouais. Fait que, non, je dirais singer, mais... Enfin, si vous regardez toujours vos photos après avoir pris un ou deux clichés, vous regardez toujours « est-ce qu'il est correct? » Là, ça s'appelle en anglais « chimping ». Donc, et ceci dit, petit conseil en passant, plus vous le faites, plus vous risquez de manquer des opportunités de faire une autre photo peut-être meilleure que celle que vous avez prise. Donc, à éviter autant que possible. Moi, ce que j'ai remarqué le plus dans l'article, c'est qu'ils parlaient qu'ils ont toutes refait l'interface qui était, si vous vous rappelez bien, toujours un des points que j'ai détesté de ces Fuji-là. Fait que ça, j'espère que... Mais ça, déjà, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas des mises à jour. Parce que Fuji est fort sur les mises à jour de micro-logiciels. Tout à fait. Donc, ça... En tout cas, peut-être qu'il y en aura. C'est peut-être complexe un peu pour refaire tout le menu. Là, c'est peut-être un peu plus complexe comme micro-logiciel. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez par rapport à ça, mais c'est rare qu'on voit ça, des micro-logiciels qui changent vraiment les types de menus, des affaires comme ça. Là, c'est... Non, ben, c'est parce que ça donne aussi un excellent argument pour faire une mise à niveau de son matériel. Mm-hmm. Exact. Mais parce que Sony aussi, c'était la même chose. Les menus du Nexus 6 sont horribles. Alors que sur toute la nouvelle gamme Alpha, les A7, les A6000, donc qui remplacent le Nexus 6, ont des nouveaux menus, c'est vraiment amélioré. Donc Fuji semble s'en aller aussi dans cette direction-là. Ont enfin compris le message que les menus laissaient souvent à désirer, n'étaient pas très conviviaux. Donc avec des nouveaux menus, avec là en plus avec le Wi-Fi intégré, des trucs comme ça, un viseur optique à 2,36 mégapixels, donc ça commence à être très intéressant. Et 2,36, c'est plus que du 1080p, là, finalement, en termes de résolution. Donc, vous avez ça collé sur votre œil. Et on parle d'un appareil à 600$ américains environ. Donc, très intéressant comme prix pour le X20. Est-ce qu'on l'avait testé? Non. Le X10. On a checké le X10. Moi, je l'ai testé. Je ne l'avais pas détesté. C'était pas si mal pour le prix. Ouais. Puis les affaires, puis il avait fait quelques améliorations. Entre autres, c'était le plus gros problème que je trouvais, ben c'est le même problème que moi j'ai. C'est l'objectif qui était, genre, mettons, c'était 1.8 à 4.55, quelque chose du genre. Il perdait beaucoup d'ouverture. Oui, exactement. Tandis que là, on est beaucoup mieux. Là, de 2 à 2.8, là, ça commence à être très intéressant. Là. Mm-hmm. Donc, excellent. Ben voilà. Je l'avais regardé avant d'acheter mon... C'est le seul point sur lequel le Sony était beaucoup mieux, c'était la basse luminosité. Fait qu'on s'entend-tu que pour moi, j'étais mieux avec l'autre. Oui, ben tu vois, parce que ton capteur est plus gros, tu as un capteur 1 pouce sur le RX100, et là on parle d'un capteur 2 tiers de pouce. Exact. Donc, on perd un petit peu peut-être en basse luminosité côté bruit possible. Là, j'ai hâte de voir la X200, là, qui doit s'en venir dans pas long aussi. Oui, hein, parce qu'il y a eu la X100, X100S. Mm-hmm. Peut-être que là, ça va être la X200 qui va être annoncée. Qui sait? Mm-hmm. Et il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent du côté d'Olympus aussi. Olympus qui annonce le EPL7. 7 déjà? Oui, oui, ça va vite. Mais... J'ai essayé le 4, genre. c'était le EPL5 qu'on a essayé. Ah, peut-être, oui, OK. Oui. Mais parce quand que même, c'est les chiffres impairs, je crois qu'il y avait le 3, le 5. Ouais, le 7. Ça se peut. Donc, on parle d'un objectif 14-42 mm, f3.5 à 5.6. Bon, c'est dans la moyenne, ça. C'est ça, c'est correct. C'est un objectif de base standard. C'est ça. Ouais. Puis on parle d'un prix en 600$ pour le boîtier seulement, 700$ pour, avec l'objectif, qui sort incessamment, donc septembre 2014. C'est parce que ce qui est génial des Olympus, c'est que tu as tellement le choix des objectifs. Oui, c'est pas la fin du monde que celui que tu as avec est pour... Ben c'est ça, parce que c'est compatible avec les objectifs Panasonic. Mm-hmm. Donc, ça élargit beaucoup l'éventail. D'ailleurs, puis il va y avoir un nouvel objectif M. Zuiko 12 mm qui est déjà disponible, en fait, donc fin août. On parle d'un prix de 800$. Et nouvelle version de Olympus Image Share, donc pour pouvoir transférer ses images sur son appareil mobile et contrôler même son appareil à distance, donc la version 2.4. Et donc, des améliorations côté Fuji, côté Olympus. C'est génial, on en demande toujours plus. Il s'agit juste de les essayer maintenant? Oui. Ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a pas eu. Oui, mais ça s'en vient. Là. Ça a été tranquille cet été, mais là, j'ai beaucoup de trucs qui vont arriver bientôt. Ah. Ne vous en faites pas. Les tests vont revenir en force. Maintenant, Christian, tu nous présentes des petits trucs pour les réflexes Nikon. Oui, j'avais fait la même chose, mais pour Canon, il y a quelques épisodes de ça. C'est vrai. Puis quand je l'ai vu passer, celui-là, j'ai trouvé ça intéressant. C'est plein de petits trucs simples. Des choses que si j'avais une Nikon, j'aimerais beaucoup savoir. Mm-hmm. Entre autres, le premier, c'est pour formater vos cartes de mémoire de façon beaucoup plus rapide que d'aller dans le menu. Okay. Je vais peut-être laisser au monde le comment je pourrais dire, je vais peut-être laisser au monde le plaisir de le découvrir. Non, de le lire, parce que vous allez comprendre, c'est que c'est moi je suis plus ou moins familier avec l'ergonomie Nikon, fait que je me retrouve moins bien quand il explique, exemple, qu'on doit garder les deux boutons qui sont marqués, qui s'appellent format. On doit garder les deux boutons format. Qui sont indiqués format en rouge. En rouge pour formater. Mais pour moi, je ne sais pas trop de quoi il parle. J'ai jamais remarqué ça sur les boîtiers. Non, c'est ça. Mais le truc, en tout cas, d'après ce qu'il explique, c'est que si on garde ces deux boutons-là, ils vont se rendre compte qu'il y a une des deux cartes qui flash sur le display en haut. Ça, c'est assumant qu'il y en a deux, là, bien entendu. Exemple, la personne dit c'est avec le D800. Mm-hmm. Fait qu'on fait ça. Puis ça te dit laquelle des deux que tu vas formater. Si tu pèses sur les deux boutons, ben ça va formater les deux cartes, dans le fond, d'une shot. C'est quelque chose, c'est comme pour gagner un petit peu de temps. J'avoue que tu sais, c'est pas. Je pense que ça va vraiment être plus clair quelqu'un qui lit et qui en a un dans les mains. Là. Mm-hmm. Autre chose, il y a quelque chose que beaucoup de monde aime sur les Canon, c'est qu'on peut bouger des images à 10 à la fois. Il n'y a pas quelque chose qui est aussi élégant, mais il y a quand même quelque chose qui est bien. C'est dans les menus, dans les customisés pour les modifier. Personnalisés, c'est ça. Dans les contrôles, on peut faire quelque chose qui nous permet de les bouger un petit peu plus rapidement, qui est un quick image scroll. Fait que ça peut être intéressant pour les gens. Un défilement rapide des images. Je te dis, c'est une machine. Un traducteur simultané. Un traducteur simultané. l'autre chose, sur l'image, sur le boîtier, on peut voir quand il est en train de remplir, quand il est en train de vider plutôt la mémoire tampon. Là, tu m'auras pas celle-là, je le savais. Je t'en regardais. Je sais, c'est le buffer. Exemple, c'est marqué R16. Ça veut dire qu'il reste encore 16 images à vider de la mémoire tampon. Ça, j'aimerais beaucoup ça le savoir sur mon appareil photo. Plutôt qu'une petite lumière qui clignote et qui dit « Veuillez patienter ». Exact. Justement, en fin de semaine, j'étais pogné dans une situation comme ça, puis j'aurais aimé ça le savoir, combien il en restait. Une des choses que beaucoup de monde ont l'air d'apprécier beaucoup, c'est des Nikon, c'est le menu, mon menu, my menu. Si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est que dans le fond, ça vous donne une liste qu'on peut créer nous-mêmes de plusieurs choses. Plusieurs fonctions. Fonctions qu'on peut rajouter. On peut en avoir jusqu'à 20. Jusqu'à 20, parce que j'étais pour dire, sur Canon, moi j'avais ça, en tout cas sur le 70, mm-hmm. là, j'avais mon menu. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est exemple, on peut décider de mettre nous-mêmes nos propres menu qu'on veut voir, mettons comme ce qui nous reste sur notre batterie, le fuseau horaire, la fonction de notre... Mettons, si on a deux cartes, il y en a une qui, mettons, est une copie, l'autre, etc. Ouais, disons, ouais, okay. On peut beaucoup programmer ça comme on veut. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Puis après ça, ben, on l'assigne à notre menu fonction, notre bouton fonction qu'on veut pour l'accéder facilement. Très commode. L'autre chose, c'est... Il appelle ça une banque de menus. Ce à quoi ça sert, c'est que si, mettons, tu sais que on est dans un mariage, on était dehors, on s'en va en dedans. Oui. Là, on sait qu'on va avoir besoin de changer probablement l'ISO, qu'on va avoir besoin de changer notre white balance, notre balance des blancs, etc. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une banque de modifications qui se font automatiquement. Ah ouais. Ça, j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir ce genre d'option-là dans mon appareil photo. Peut-être que je l'ai, remarque bien, j'ai jamais pensé à regarder pour une affaire comme ça. Il y a même encore des menus, même après 4-5 ans, que j'ai pas trop regardé. Ben, moi, je regardais sur ma molette des modes. Là, souvent, tu as 1, 2 ou C1, C2. Là, c'est le genre de mode custom 1, custom 2, là, personnalisé. C'est ça. Mais on s'en sert pas souvent ou on pense pas à s'en servir nécessairement. Non, moi non plus. Mais là, je vois dans l'exemple, il y en a 4. A, B, C, D. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment très, très, très commode. Ouais. Puis c'est facile à trouver. Là, c'est genre menu, shooting menu, puis shooting menu bank. Là. C'est simple à trouver. Il n'y a rien là. Puis le dernier, ben c'est on peut avoir aussi un zoom automatique quand on regarde nos photos. ce que ça fait, dans le fond, c'est que quand on regarde une photo, quand on presse sur le bouton, ça va faire un zoom automatique, puis refaire le bouton va le dézoomer. Plutôt que d'avoir à zoomer avec la molette, ou etc., c'est juste... Oups, un bouton. Un bouton. Le ça même peut être bouton. Intéressant. Ouais. Mm-hmm. Il peut avoir un intérêt parce que ça te permet... J'avoue que moi-même, là, je n'irais pas ça. Juste un bouton, tu sais, on a beau dire que on zoome pas à 100% pour avoir le détail. La chose pour laquelle je le fais le plus souvent, par contre, c'est pour être sûr que je suis au focus. Oui, ouais. C'est la bonne raison. C'est la bonne raison pour le faire. Tandis que là, ben, si tu fais juste le bouton, « Ah oui, je suis au focus, paf! » c'est super génial. Là, ouais. Encore une fois, c'est un petit peu plus complexe à trouver, mais c'est dans les notes, on va vous donner l'article, puis vous allez pouvoir facilement le retrouver. C'est très, très bien expliqué. Ouais, les menus... où on doit cliquer et tout ça, sélectionner, c'est tout en caractère gras, donc c'est ça, là, c'est très quand même assez simple. Là. J'ai trouvé que c'est ça, c'était des affaires quand même assez intéressantes là, qui peuvent servir à n'importe qui. Mm-hmm. Parfait. Ben, merci beaucoup, Christian. François, tu nous présentes un petit gadget que Dominique Cyber6 nous a prêté lors de son passage. Oui, ça s'appelle le Kick Light. C'est un petit appareil d'éclairage à Dell. Hyper portatif, c'est vraiment pas gros, je l'ai ici devant moi. Oui. Pour la puissance que ça donne, c'est vraiment tout petit. Avec des grâce aux petits boutons qu'il y a sur les côtés, on peut ajuster l'intensité de la lumière ou la température de couleur. Ça, c'est bien parce que le range ou l'étendue des couleurs, c'est entre 2500 degrés Kelvin et 10 000 degrés Kelvin. Okay. Donc, c'est très chaud à très froid. Mm-hmm. Ça dépasse amplement la couleur... d'intérieur vers le bas puis vers le haut, la couleur d'extérieur aussi là, qui est toujours autour de 5600 à 6000 degrés Kelvin. Là, à 10000, on tombe dans le bleu pas mal. Ouais. Et avec une application qui est gratuite sur iOS ou Android, ben on a accès à un tout autre niveau d'effet lumineux. On peut recréer des éclairs, un flash, des strobes, disons une lumière blanche qui strobe sans arrêt. On peut changer la vitesse, le rythme à laquelle que ça se fait, les couleurs aussi, on peut avoir un effet arc-en-ciel par exemple, ça passe tout le spectre des couleurs et ça revient en loop comme ça. C'est bien pensé pour juste faire des photos intéressantes, t'sais. On peut s'éclairer avec une lumière bleue par exemple puis faire une photo très éclairée par la lune ou quelque chose comme ça, ou si c'est l'Halloween, ben tu sors ta lumière rouge, tu t'éclaires par en dessous puis c'est très lugubre. Tu fais peur aux enfants. Exactement. Il y a une petite... je ne sais pas comment appeler ça. Il y a une espèce de petit trou qu'on peut visser un trépied ou une vis un quart de pouce, là, comme qui est une vis standard sur les appareils photo. Mm-hmm. Donc, on peut l'installer sur un trépied comme ça. Commode. Oui, très commode. À l'arrière, il y a une espèce de pince. On peut glisser son iPhone dedans. Donc, et prendre une photo en même temps. Évidemment, la caméra n'est pas cachée là, quand on installe la lumière. Ouais. Donc, ça donne une meilleure qualité de lumière que le flash qui vient avec l'appareil. Mm-hmm. Pas dur à battre. C'est pas dur à battre, effectivement. Il y a une prise USB pour charger la batterie interne, qui est remplaçable aussi, soit dit en passant. Dans les fonctions de couleur du logiciel qui vient avec, il y a des fonctions vraiment cool. On peut choisir, juste en tapant du doigt sur l'écran, la couleur qu'on veut utiliser pour l'éclairage. Donc, avec ma caméra photo, si je vise un mur blanc, je tape sur le mur blanc dans la photo, puis ping, la couleur de l'affichage de l'éclairage va vraiment matcher la couleur du mur. Bon, à peu de... Ouais, quand même. C'est pas exactement, évidemment. Mais si je pointe du rouge, je tape sur l'écran, mon éclairage va subitement devenir rouge. C'est très, très cool pour ça. Ouais. On peut choisir une couleur aussi dans le spectre de couleurs, là, mm-hmm. carrément comme si on travaillait dans un logiciel de couleurs, de retouche photo, c'est-à-dire. On peut aussi, entre autres fonctions super cool que je trouvais, c'est faire glisser son doigt sur une photo qu'on a déjà prise ou bien une photo qu'on regarde directement avec la caméra. Puis l'appareil va enregistrer la séquence de couleurs qu'on fait en passant son doigt d'une zone à l'autre de la photo. Mm-hmm. Et on va pouvoir sauvegarder cette étape-là aussi, puis la faire rejouer plus tard. Bon, il y a des applications qui peuvent être pratiques pour faire ça, cet effet-là. Mm-hmm. Ben moi, par exemple, j'avais une scène de cinéma à tourner, puis j'ai utilisé cette fonction-là qui est de passer le doigt sur l'écran avec dans une zone de bleu, disons. ma scène que j'avais tournée, c'est quelqu'un qui regardait un film au cinéma. Donc, en jouant dans les zones de bleu, on simule un écran qui est projeté sur le visage de quelqu'un. J'avais juste à mettre ma lumière sur le visage de cette personne-là, avec la bonne vitesse, et on avait l'impression qu'il y avait un film qui se déroulait devant ses yeux. Cool. Très cool. On peut faire la même chose avec un feu de camp aussi. Mm-hmm. Tu vas jouer dans les zones orangées. Quoi qu'il y a déjà un preset qui existe dans l'application feu de camp. C'est génial. Donc, c'est vraiment brillant, par exemple. Oui, c'est super le fun. J'ai vraiment été impressionné. Quand j'ai eu le gadget entre les mains, j'ai fait comme, bon, c'est une petite lumière d'aile bien ordinaire, mais tout ce qu'il a fait, j'ai pas vu ça dans le professionnel encore. Mm-hmm. Dans l'ultra professionnel, ça doit exister, mais encore là, étant donné qu'il y a une interaction assez directe avec l'application, dans le professionnel, des fois, on va pas trop jouer dans les applications, les iPhones, les iPads. Non. On garde ça safe, parce que si ça plante, t'es en plein spectacle, c'est pas super. Ouais. Il peut contrôler différents kicklights aussi, l'application, donc si t'en as plusieurs, tu vas pouvoir contrôler plusieurs. Et puis... quoi d'autre que je pourrais dire là-dessus? Son prix est annoncé à 179$, qui est... C'est pas si pire pour ce genre de gadget-là. C'est quand même quelque chose d'assez... Moi, je dirais que pour le hobbyiste, là, ou quelqu'un qui veut juste avoir un petit quelque chose de plus comme éclairage, il pourrait trouver bien mieux, moins cher. Okay. Juste pour avoir une lumière d'appoint. Par contre, pour toutes les fonctionnalités qu'il offre, on tombe dans vraiment le très créatif. Là, donc, je pense que le rendu là, le 179$ vaut le coup, mais on parle pour les gens un peu plus sérieux, là, je dirais. Moi, en termes professionnels, en télé, j'ai trouvé des applications très cool à faire avec ça, ce qui fait que 180$, ça se rentabiliserait quand même assez rapidement. Définitivement, un petit gadget que je suis tombé en amour. Je m'attendais à rien quand je l'ai eu entre les mains, puis pouf, j'ai envie d'en avoir un. Toi, si t'avais été Steve, bon, ok, c'est correct. Non, ça va. N'allons pas là. Merci François. Pas merci Christian. Ça me fait plaisir. Et moi, de mon côté, j'ai testé un autre bidule que Dominique nous a prêté. C'est le Lumou, dont on vous a déjà parlé, qui a tiré ses origines, si on veut, d'un projet Kickstarter. Encore Kickstarter. Eh oui. C'est pas tout mauvais. Non. Mais le Lumou, c'est un petit bidule qui se branche dans la prise de casque d'écoute de votre iPhone ou votre appareil Android. Et ça va capter ou mesurer la lumière ambiante, donc la lumière qui arrive directement sur le bidule. Et ça va vous donner, disons, vous dites, moi, je voudrais être à telle ouverture avec tel ISO, ça va vous donner la vitesse nécessaire. Et vice-versa, vous pouvez choisir, je veux savoir quelle ouverture pour avoir telle vitesse ou quel ISO quand j'ai telle ouverture, telle vitesse. Donc, vraiment, vous le pointez, vous le mettez, en fait, à côté de ou vis-à-vis l'objet ou votre sujet, finalement. Et puis, vous cliquez sur le petit bouton « Measure », donc « Mesurer ». Et puis, selon la valeur, l'une des trois valeurs de l'exposition que vous avez choisie comme étant une valeur variable, eh bien, ça va l'ajuster en fonction de l'éclairage qui parvient jusqu'au capteur. Il y a beaucoup de petites options. Mine de rien, l'interface est super simpliste. Par contre, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut régler. On peut préciser si c'est un appareil numérique ou analogique ou argentique. On peut décider d'y aller à coup de un stop, une mesure, disons, de lumière, un stop de lumière, un demi ou un tiers, donc pour plus de précision. On peut calibrer l'appareil en fonction des lux, donc de la lumière ambiante. On peut même mettre un peu de correction d'exposition si jamais vous avez fait plein de tests puis vous jugez que c'est pas exactement aussi précis, ou en tout cas, il y a des conditions qui font que ça vous donne pas nécessairement la valeur que votre appareil vous donne, par exemple. Donc, on peut configurer une fonction double-clic qui va soit faire une mesure en continu ou une exposition automatique. Et puis, un paquet de trucs, on peut garder des notes. Donc, à chaque fois qu'on prend une mesure, on peut la sauvegarder dans l'application et on peut même la synchroniser avec Dropbox. Donc, chaque fois qu'on va garder des notes, ça va être sauvegardé dans le nuage. Et puis, on peut mesurer justement aussi le nombre de lux, là, donc la quantité de lumière, tout court, sans parler de l'exposition. Et puis, pour l'avoir comparé, parce qu'il y a des applications gratuites ou non, mais il y a des applications sur l'App Store qui font la même chose. Donc, On vous a déjà parlé de l'application PoseMètre. Et puis, je l'ai essayé. J'ai pointé mon appareil photo, mon iPhone 4S vis-à-vis un sujet. Puis j'ai dit à PoseMètre, évalue l'exposition dont j'ai besoin. Évalue la vitesse par rapport à mon ouverture et à mon ISO. Et puis ça me donnait une certaine valeur. Je crois que c'était 1/160 de seconde. Et le Lumou, lui, me disait par contre, c'est 1/250. Tu peux aller plus vite un peu. Donc, j'ai pas fait des tests très scientifiques, mais ça donnait pas toujours nécessairement la même valeur qu'une application iPhone, tout simplement. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point le fait d'avoir un bidule dessus, qui est quand même une forme arrondie, donc est-ce que ça capte plus de lumière ambiante, surtout si votre éclairage vient du plafond? Est-ce que ça peut changer un peu la donne par rapport à ce qui est mesuré dans l'appareil photo du téléphone s'il est pointé sur un sujet? Donc, peut-être que là, ça peut faire une petite différence. C'est sûr que le Lumou, lui, c'est un appareil, comment je pourrais dire, c'est un truc assez physique. Oui. Il prend la lumière d'une façon. C'est quand ça. Tu utilises ta caméra sur le téléphone, lui, il y a des petits calculs qui se font. Il analyse l'image au complet. S'il y a un point plus fort que l'autre dans l'image, lui, il prend pas une mesure de la lumière ambiante. Il prend une mesure de la lumière réfléchie, en fait. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu pour ça la différence de calcul aussi. Il faut dire aussi que le Lumou, sa fonction de calcul de luxe là, ou de pied chandelle, c'est une façon de savoir, est-ce que je veux... Disons que tu vas avoir un côté du visage, tu prends un portrait, tu veux un côté du visage plus éclairé que l'autre, tu vas pouvoir calculer ton ratio. Oui. Tu vas pouvoir dire, j'ai deux fois plus de lumière de ce côté-là que de l'autre bord, c'est ça que je veux. Fait que je pense que l'explication pour venir à la caméra qui ne calcule pas de la même façon, c'est carrément parce qu'il n'analyse pas la photo de la même façon, parce c'est que ça. C'est par la caméra c'est et non ça. Par une entrée de lumière. Qui va être une mesure matricielle probablement par rapport à une mesure spot. Oui, puis ça dépend de tellement de choses. Oui. Ta photo est composée de quoi? Des ondes sombres, des ondes lumineuses? Exact. Il y a des calculs à faire. Oui, ouais, absolument. Mm. Mais bon, pour quelqu'un qui veut y aller peut-être de façon plus sérieuse, là, plutôt que d'avoir un PoseMètre qui va peut-être prendre... Un dispendieux, PoseMètre. Oui, c'est ça, parce que ça coûte quand même assez cher. Oui. Donc, quelqu'un qui voudrait un PoseMètre abordable et qui prend pas de place parce que c'est tout petit, ça a peut-être la forme quoi de... C'est même pas aussi gros qu'une pièce de 25 sous en diamètre, je dirais. C'est environ ça. À peu près. Puis peut-être 1,5 cm d'épais, pas plus que 2 cm. 1,5 cm. Donc, avec une forme un peu bombée. Ça se range très bien dans une poche. Et d'ailleurs, je crois que... En fait, Dominique nous a prêté un étui, le Lumou Bag. En petit cuir. Oui. D'ailleurs, c'est livré avec ça, ouais. le petit étui de cuir. Et puis, il y a même une espèce de collier, là, de pendentif, où on peut insérer le Lumou à l'intérieur et se faire un petit collier ça. Je trouve ça pratique, moi. Oui, pour l'avoir toujours dans son cou, c'est parfait. Tu libères tes mains super rapidement. Absolument. Une fois que tu as terminé avec. Oui. Puis donc, pour tout cet ensemble-là, on parle de 149 €. Évidemment, Dominique disait qu'il l'avait payé moins cher parce que lui, il l'a précommandé sur Kickstarter, mais ça comporte toujours sa part de risque. Si on précommande quelque chose, des fois, le produit ne voit pas nécessairement le jour ou... Ça prend peut-être beaucoup plus de temps que si là, on voulait s'en faire livrer un. Mais c'est quand même un petit bidule intéressant, je trouve, parce que justement, il a l'air d'avoir une certaine sensibilité, là, le moindrement, si on bouge un tout petit peu son appareil pour reprendre une mesure, il va changer un petit peu sa lecture. Par contre, il y a un bidule que j'ai pas compris, c'est quand on choisit un des paramètres, disons l'ouverture, puis là, on appuie sur le bouton « Measure ». Il y a une ligne qui est comme en gras, là, un peu plus grosse que la ligne sous les deux autres paramètres. Elle va soit avancer ou reculer. Et je n'ai pas réussi à déterminer qu'est-ce qui la faisait avancer ou reculer, parce que parfois, la valeur ne change pas. Donc, mon ouverture reste à 2,8 ou ma vitesse reste à 1/160. Et là, la petite ligne blanche avance ou recule, mais j'ai enfin... C'est à investiguer. Si il y en a parmi vous qui ont un Lumou et connaissaient la réponse, gênez-vous pas de nous envoyer ça. On serait curieux de savoir pourquoi. Hein? Absolument. Dominique doit le savoir, d'ailleurs. Je vais lui poser la question, mais j'ai pas eu l'occasion avant l'enregistrement. Est-ce que c'est disponible aussi, c'est iOS? Est-ce que c'est disponible aussi pour d'autres... Oui, c'est disponible sur Android. Par contre, moi, je ne l'ai pas testé sous Android, là, mais l'application... En tout cas, Dominique, il disait que c'était peut-être un peu moins précis, mais c'est peut-être la question de je ne sais pas si c'est l'interface ou la façon que ça a été programmé, ou peut-être qu'il y a un bug encore dans l'application. Mais sur iOS, en tout cas, ça fonctionne bien. Là, j'ai rien à redire. Évidemment, à 149€, ça peut paraître cher un peu, mais comme disait Christian, les pose-mètres, c'est quand même pas donné généralement. Donc, pour avoir un truc vraiment compact, puis si vous avez toujours votre téléphone sous la main et votre Lumou autour du cou, ah oui. Ben voilà, ça règle le problème en partant. Donc, on va passer maintenant aux suggestions de la semaine. Trois petites suggestions rapides. François, toi, de ton côté? Oui, je suis tombé sur un site qui parle des 25 photographes populaires. Mais comment ils ont commencé? Ah. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit les photos qu'ils ont prises avant le début de leur carrière professionnelle et leur progression avec des photos qui datent d'aujourd'hui. Okay. C'est vraiment superbe la différence. Et puis, on voit qu'ils se sont appliqués justement à devenir meilleurs, tu sais, juste en écoutant Objectif numérique, par exemple. Oui, définitivement. Oui, on aimerait bien que ce soit ça. Ben, en tout cas, on espère, en regardant les photos, ces photos-là, que ça vous donne la motivation d'aller plus loin, parce qu'on peut voir que OK, il est parti de là, puis il est rendu là, il a sûrement fait quelque chose. Puis là, on voit justement les mises en scène qui sont complètement différentes. On voit l'utilisation d'objets ou d'effets spéciaux. Il y a eu beaucoup de recherches artistiques. De maquillage. Ouais. L'éclairage aussi, meilleure maîtrise de l'éclairage. Ouais, c'est souvent ça. C'est la maîtrise de l'éclairage qui fait la plus grosse différence. Ah oui, puis mais aussi la direction artistique puis le cadrage, le lieu qu'on choisit pour faire sa photo. Il y en a qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail, d'autres que c'est tout simplement juste bien pris au bon moment. Avec, bon, ils ont pas mal tout de la retouche. Je regarde cette photo-là, elle me fait beaucoup rire parce que, avec l'enfant là, qui ouvre un livre, qui se met à rêver, qui voit les planètes du système solaire, je trouve ça superbe, c'est super beau. Mais on voit d'où ça vient. Mm-hmm. Ils faisaient des espèces de montages douteux là, au début. Mais avec une meilleure direction artistique, des meilleures idées, ben c'est ça que ça donne. Mm-hmm. Donc, très intéressant à aller voir comme site. Absolument. Merci François. Christian, toi de ton côté? Moi, c'est un petit vidéo. Quelque chose qu'on dit souvent, qu'on en a parlé souvent, la meilleure caméra, c'est celle que vous avez avec vous. Oui. C'est une jeune fille, dans le fond, puis c'est un petit vidéo, ça, c'est pas très très long, on parle à peu près 3 minutes. Puis dans le fond, elle n'a pas un gros appareil, elle n'a pas rien, elle traîne son petit carnet, elle prend des choses en note, elle prend du monde en photo, elle prend, tu sais, c'est comme une petite histoire, mais en même temps, c'est pour dire, vous n'avez pas toujours besoin de faire ça complexe, puis de toujours tout planifier, complexe. Des fois, une belle photo, ça peut être une photo prise n'importe quand, n'importe où, quand vous aviez le temps. Tu sais, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir son appareil photo toujours avec soi. C'est juste ça. J'ai trouvé ça cute. Puis c'était bien filmé. Je sais pas. J'ai trouvé ça plaisant. J'aimais ça. Parfait. Alors, on mettra le lien aussi, évidemment. Et de mon côté, j'ai une autre application, mais vraiment cool. Elle s'appelle Matter, comme la matière. Et c'est une application iOS. Ça vous permet d'insérer des objets 3D et d'ajouter des effets soit de lumière, de transparence, des effets de animés. En tout cas, il y a des objets qui peuvent tourner dans l'image, qui peuvent se déplacer. Ça peut avoir l'air d'espèces de monolithes ou de... Enfin, il y a des effets d'ombre aussi. Il y a vraiment de tout dans cette application-là. Et si vous voulez faire des photos surréalistes, vraiment spéciales, en tout cas... C'est assez spécial, en effet. Il y a une vidéo sur un trailer en anglais sur le site de l'application, et puis ça vous donne une bonne démonstration de tout ce qui peut être fait, là, des objets volants non identifiés autour d'une table de pique-nique. Mais je vois qu'il ajoute des animations 3D à une photo existante, mais on exporte ça en vidéo après. On fait une petite vidéo de quelques secondes, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est pour partager après ça par la suite. Là, mais c'est vraiment, en fait, pour s'amuser. Là, c'est pas... Oui. Parce que les objets, bon... Mais visuellement, c'est super cool. Mais c'est ça, on peut envoyer ça sur Instagram et compagnie, là, mais le but, c'est principalement de s'amuser, d'expérimenter un peu. Ben, peut-être, en fait, de même donner le goût de faire un peu plus de vidéos plutôt que de faire une simple photo. Quand on ajoute des éléments qui bougent dans une photo, des fois, ça nous fait penser « Ah, ça aurait pu être intéressant d'avoir cette scène-là, mais sur une plus longue période. » Parce que oui, la photo, c'est super intéressant, mais on capte vraiment juste un moment précis. Alors que si on met des petits trucs animés dans une scène, peut-être que ça peut amener un peu plus loin. Je sais pas. Ça peut... Ou tout simplement pour s'amuser, dire « Regarde, j'ai mis un gros cube 3D qui tourne. » c'est spécial. En tout cas, c'est intéressant. C'est ça. À essayer, à voir. Et ça coûte 2 $, 1,99. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous ruiner. Alors, ceci conclut ce 63e épisode. Merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. On se revoit au 64. Bien sûr. Il y a des bonnes chances. Merci, chers auditeurs. Nous espérons tous vous revoir au 64e épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions à podcast@objectifnumérique.com ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, François? Oui, sur Facebook. Oui, sur Facebook. Oui, Facebook, oui. Google+, Twitter. Mettre un peu de piquant dans votre vie sociale, numérique. Je vais y penser. Il faudrait qu'on se parte une page MySpace. OK, non, c'est beau, laisse faire. Ceci dit, le nouveau site MySpace est très joli, mais ça demeure un site fantôme. Alors voilà, d'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!